on vise le sommet, mais en ce moment je vise le soleil. Une patate est sonnée, toujours le mousse comme un sonic. Y'en a qui se croquent dans un film, dis-leur que la vie c'est pas le ciné. La rue c'est pas un jeu, tu trouveras Vlad les mal lunés. Moi j'écris toute la nuit, là il se fait tard, j'ai pas vu l'heure. En deux deux je fais un son où j'insulte ta mère au commère. As-tu ces fils de qui parle trop, qui te ménique dans les commentaires. Eux c'est des gros menteurs, mais j'avoue que je suis pas exemplaire. J'ai tout ce que j'ai sur le cœur, je m'en fous à qui ça, ça va plaire. Elle juste quand t'es rappeur sans demander, elle se met par terre. Et poto surveille ta soeur, qu'est-ce t'es devenu cher commentaire. Avant qu'elle se marie, gros, moi je te dis qu'elle a donné. À manger, à des mêmes pélos qu'on connaît. Et le respect il est où à ta famille, le dos t'a tourné. La religion sur nous, je t'avoue qu'on s'en bat les claouis. Et quand moi je suis pas bien, bah Yamera tu sais au cas où. C'est qui sont dans la tête, ces petits bateaux, c'est vrai Harbi. Dans les chichas c'est que des putes, en imitation Gucci. J'en place une spéciale pour ceux qui sont devenus bizarres. Et j'oublie pas Bichon qui m'a vu sur Sky au mitard. Prison quartier gros, y'a trop d'allers-retours. Dis pas de prénom, tu verras jamais la cour. Très peu par tes pélos, t'es chaud, on fait la course. Et n'en fais pas le gros, dis pas que toi tu vas à la source. Au malgré qu'on s'incite, et non, ça date pas d'hier. Mais y'a des bons au tchèques, des frères qui te conseillent la prière. Tous entassés, nous on mélange d'être la piave. Là c'est direction le sud avec ma folie meurtrière. Faut les tenir en laisse, ces petites salopes, un kizabo. Ça vient du 69 et tu te demandes après y'a quoi. Tu peux savoir je suis qui, savoir qui y a derrière moi. Les personnes attachantes qui sont toujours de bonne foi. Ils sont toujours de bonne foi. Je suis pas genre de pélo qui critique qui s'invente des vies. Je suis pas genre de poteau qui va tailler devant une fille. Jamais boucap, même menacé, jamais changé devant un cul. Toujours fidèle au poste, gros quitte à finir détenu. Moi je remonte le son quand Karim lève son KTM. Sur l'instru je fais un crime et non je laisse aucune ADN. 2018 c'est la même, toujours la dégaine à l'ancienne. Les Lyonnais arrivent tout en Lacoste et Pertéenne. T'as pas compris c'est les sous, nous s'en bat les couilles de la mode. On respecte les modes qui passent tous les jours dans le bloc. Tu veux t'en sortir dans la vie, soit débrouillard, y'a rien de blèche. Sans sous c'est la hache comme ta daronne qui donne un pêche. Pense qu'à me remplir les poches pour de bon tourner la page. J'ai déjà 23 piges, les gens ils changent, le temps ils passent. Moi jamais je me presse, c'est pour ça que je suis efficace. Il faut que mes mots je pèse parce que bien parler c'est la classe. C'est la classe. Bien parler c'est la classe, c'est ce qu'on dit. C'est le 6-9, l'allemand, freestyle numéro 1. Restez branchés l'équipe.